parle de reste, mais plutôt de ce qui reste. Tes potes font les poils, puis soudain pour leur veste. Modeste, morts te font faire des faux gestes. Te collent comme la peste et au fond te déteste. Je reste seul, la personne, je fais confiance. Trop de personnes se dépensent, avoir une influence. Et l'adolescence commence cette tendance. Tes frères se balancent à part de vengeance. Rien à foutre qui me suit, je préfère marcher tout seul. Crever tout seul pour ne pas voir leur sale gueule. C'est grave ce que je gueule, mais ça s'accumule. Cette haine me stimule, vous tous vous enculent. Qui était là quand j'avais plus rien à manger? Qui était là quand ces bâtards nous ont délogés? Qui était là quand ma vie était en danger? J'ai mangé de la haine, c'est pas la vôtre qui va me ronger. Des coups j'en ai pris, mais j'en ai rendu plein. Comme un orphelin dans les rues du Blain. Des coups j'en ai mis, et là où il faut. Comme un orphelin dans les rues de Sarajevo. Des coups j'en ai pris, mais j'en ai rendu plein. Comme un orphelin dans les rues du Blain. Des coups j'en ai mis, et là où il faut. Comme un orphelin dans les rues de Sarajevo. Comme un orphelin, j'ai grandi dans un monde de chiens. Y'a plus de valeur, plus de respect pour les anciens. Franchement, nos jours c'est dur pour un enfant. J'ai appris de la vie, maintenant j'ai l'air honnête. Même quand je mens, on n'attend pas de changement. Y'a pas d'arrangement, quand je pense que quand on appelle la lettre c'est en dérangement. Donc fiston, prépare les pansements. Car cette vie va te rosser, ce sera pas doucement. Comme un orphelin, ma famille c'est la rue. Pas de structure familiale, ça obscurcit la vue. Et cette vie te force à être rusé. Utiliser ta tête pour fumer ceux qui t'ont usé. A 23 piges, cette vie m'a déjà blousé. C'est abusé qu'on soit déjà désabusé. Mais les coups on les accusé. S'ils ne te tuent pas te rend plus fort, ça s'est prouvé. Des coups j'en ai pris, mais j'en ai rendu plein. Comme un orphelin dans les rues du Blain. Des coups j'en ai mis, et là où il faut. Comme un orphelin dans les rues de Sarajevo. Des coups j'en ai pris, mais j'en ai rendu plein. Comme un orphelin dans les rues du Blain. Des coups j'en ai mis, et là où il faut. Comme un orphelin dans les rues de Sarajevo. Comme des orphelins, le système nous a laissé tomber. De gauche à droite, baladés, traités comme des étrangers. C'est dur d'avancer sans esquiver les coups. Et si tu les rends pas, tu finiras à genoux. La vie t'en met plein les dents si tu restes avachi. Moi je suis monté sur le ring à la Joey Gashi. Comme un orphelin, j'y repense dans mon lit. Car j'ai pas eu la famille de Sean Donnelly. Le respect est mort, le mal s'est réjoui. Les coups de grâce sont gratuits, l'amitié s'est enfuie. Mon cœur est impu en pleine période de sécheresse. Loire et profond sans source et sans faiblesse. Laisse de côté ceux qui respectent pas les gens. Ne respecte pas Dieu qui croit en l'argent. Indulgent comme en l'aide, mec c'est affolant. Ne crois qu'en moi-même ce qui n'est même plus étonnant. Des coups j'en ai pris, mais j'en ai rendu plein. Comme un orphelin dans les rues du Blain. Des coups j'en ai mis, et là où il faut. Comme un orphelin dans les rues de Sarajevo. Des coups j'en ai pris, mais j'en ai rendu plein. Comme un orphelin dans les rues du Blain. Des coups j'en ai mis, et là où il faut. Comme un orphelin dans les rues de Sarajevo. Comme un orphelin.